à cet album Village et à ce single Unknown. When you look so good, the pain in your face doesn't show. RTL2, il est quelle heure là? Il est 8h25, je suis parmi de notre bon Jacob Banks qui a chanté mais en live. Qu'est-ce qu'il est grand! Mais c'est incroyable! Hein. On retrouve évidemment toutes les photos, toutes belle les homme, vidéos sur RTL2.fr. Allez, l'horoscope, 8h25, on y va, médaille de bronze avec les taureaux. Alors, les taureaux, un grand bol d'air frais vous ferait le plus grand bien. Les gémeaux, bah, prenez confiance en vous. Et les lions, essayez d'être plus indulgent avec les autres. Médaille d'argent maintenant pour les cancers. Restez tel que vous êtes, votre entourage vous adore. Vierge, la chance sera de votre côté toute la journée. Les balances. Alors, les balances, vous n'avez peur de rien, profitez-en et foncez. Scorpion, rien ne pourra vous contrarier, vous êtes en pleine forme. Les sagittaires, vous êtes très épanoui dans votre vie professionnelle. Capricorne, votre personnalité est unique, cultivez-la. Verseau, allez Verseau, gardez votre sourire et il vous fait rayonner. Poisson, vous faites rire tout le monde autour de vous. Et puis médaille d'or, bah c'est pour toi Juju. Votre jeu, bah votre béliers, journée, oui, c'est même pour les béliers. Votre journée se déroulera sans encombre, tout comme votre week-end, vous allez pouvoir en profiter. Ils sont pas proc. The Killers, Somebody Told Me, dans le double expresso RTL depuis mon winner. Je vais vous raconter une histoire qui mélange la Bretagne, Ben Harper et des falafels. Oula! Ah ouais, oula. Dit comme ça, c'est un camoulox. A tout de suite sur RTL. Bonjour, c'est Lenny Kravitz. Écoutez RTL 2. Partez à la rencontre de Lenny Kravitz pour son concert à Milan. À tout moment sur RTL 2. RTL 2, la radio pop rock. La France est à l'honneur chez Grand Frais. Venez découvrir les meilleurs produits de nos terroirs. Jusqu'au 10 novembre, le Saint-Marcelin IGP Crémier de 80 grammes est à seulement 1,49€ la pièce. Le meilleur marché, c'est Grand Frais. Fabriqué en Isère, 18,63€ le kilo au lait cru de vache. Pour votre santé, bougez plus. Ce vendredi, tirage exceptionnel, Euromillion Malmillion. 5 joueurs en France vont gagner 1 million d'euros chacun. Alors, imaginez. FDJ, offre valable en République française et Monaco. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Cuir Center. Vous préférez un canapé irrésistible, un canapé à prix irrésistible ou les deux? Pendant les 15 jours irrésistibles, profitez de la qualité Cuir Center à des prix exceptionnels. Par exemple, ce canapé 3 places en cuir à 1290 €. 1290 €, irrésistible. Cuir Center. Modèle Lagos, prix hors livraison jusqu'au 19 novembre. Détails sur cuircenter.com. Chez Leader Price ce week-end, et ce week-end seulement, ne ratez pas une occasion unique de vous faire plaisir. Vendredi 9 et samedi 10 novembre, vos courses sont 100% remboursées. Et oui, 80 € d'achat, c'est 80 € offerts. Avec le mot de passe week-end, et dès 80 € d'achat, 4 bons de réduction de 20 € vous attendent. Notez bien le mot de passe week-end. Chez Leader Price, tout le plaisir est pour vous. Un bon utilisable par semaine pendant les 4 semaines suivantes à partir de 80 € d'achat. Conditions de vente en magasin et sur leaderprice.fr. Allô, bonjour, je cherche une citadine pratique et compacte. Bonjour madame, je vous propose Fiat Panda à 5 990 €. C'est une 5 portes ? Oui, 5 990 € avec 5 portes et climatisation. Génial ! Et elle bénéficie de la prime à la conversion ? Évidemment, et du bonus éco-Fiat. Mais elle a combien de kilomètres ? Mais elle est neuve madame. Fiat Panda est à partir de 5 990 €, prime gouvernementale et bonus éco-Fiat déduit. Offre sous condition de reprise incluant la prime de conversion de 2 000 € et le bonus éco-Fiat 2 000 € jusqu'au 30 novembre. Détails sur fiat.fr. Fiat. Vous êtes abonné à un club de gym, on ne vous y a pas vu depuis 3 mois. Vous êtes abonné à des magazines, vous les feuilletez à peine. Vous êtes abonné à 153 chaînes, vous en regardez 2. Et si, pour une fois, vous vous abonnez à quelque chose de vraiment utile? Nespresso lance l'abonnement. Choisissez votre forfait café Nespresso et profitez d'une machine à 1 €. Nespresso, what else? What else, quoi d'autre? Offre valable en France métropolitaine sous réserve d'un engagement de 12 mois, voire modalité complète sur Nespresso.com. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, ce sont les déplacements d'Hugo qui changent. Avec le carburant à prix coûtant. Le carburant à prix coûtant, Hugo. Du coup, évite d'aller faire le tour des stations essence pour comparer les prix. Surtout au prix de l'essence. Jusqu'au 17 novembre 2018, vos magasins Auchan vous proposent le carburant à prix coûtant. Et vos déplacements changent. Auchan. Voir modalités et liste des magasins participants sur Auchan.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Vous n'avez pas idée de ce qui se passe chez But. Pour le déstockage, les prix sont au plus bas. Non mais venez vite voir, faut voir ça. Dernier jour du déstockage monstre chez But. En ce moment, prix sacrifié sur de nombreux produits. But, des prix et des idées tous les jours. Voir conditions et produits concernés en magasin sur But.fr. Il est 8h30, c'est l'heure des infos tout de suite avec Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Justine, bonjour à tous. Coup d'envoi des négociations sur l'assurance chômage. Syndicats et patronats ont rendez-vous cet après-midi pour parler emploi. Objectif affiché, réduire la précarité et désendetter l'UNEDIC. Le gouvernement veut économiser près de 4 milliards d'euros sur 3 ans. Parmi les mesures avancées, la dégressivité des allocations pour les hauts salaires ou la mise en place d'un malus pour les entreprises qui abusent des contrats courts. Une nouvelle audition pour Nordal Lelandais. L'ancien militaire doit être interrogé ce matin par les juges en charge de l'enquête sur la mort d'Arthur Noyer en avril 2017. En février dernier, le meurtrier de la petite Maëlys avait reconnu avoir croisé la route du jeune caporal et l'avoir pris en stop la nuit de sa disparition à Chambéry. Il avait ensuite évoqué une bagarre et une mort accidentelle. De plus en plus d'actes antisémites. Après 2 années de baisse, les agressions visant la communauté juive ont considérablement augmenté depuis le début de l'année, plus 69% entre janvier et septembre. Dans une tribune publiée ce matin sur Facebook, le Premier ministre Édouard Philippe évoque le danger de l'indifférence. Emmanuel Macron attendu dans la Somme aujourd'hui, à 2 jours du 11 novembre. Le chef de l'État va retrouver la première ministre britannique Theresa May pour visiter la nécropole de Thiepval. Demain, le président de la République recevra Donald Trump à l'Élysée. Une nouvelle tuerie de masse aux États-Unis. Un homme a ouvert le feu au cours d'une soirée étudiante dans un bar près de Los Angeles, en Californie. Il a tué 12 personnes avant de se suicider. Cet ancien militaire de 28 ans souffrait de troubles psychiques. Le Paris Saint-Germain accusé d'avoir recruté des joueurs selon leur origine. Le club a confirmé l'existence d'un fichage ethnique entre 2013 et 2018. Il évoque en revanche une initiative personnelle de l'un des responsables du service recrutement des jeunes. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, se dit consternée. Et puis, mauvaise soirée pour les clubs français en Ligue Europa. Et oui, Marseille a été éliminée après sa défaite 2-1 chez la Lazio Rome. Bordeaux n'est pas loin non plus de la sortie après un nul 1 partout face au Zénith Saint-Pétersbourg. Même chose pour Rennes, battu 3-1 par le Dynamo Kiev. Ce soir, place à la Ligue 1, 13e journée à 20h45. Lille reçoit Strasbourg. La météo, on attend encore des averses orageuses dans le sud-est avec beaucoup de pluie attendue du Languedoc et de l'Ardèche à la région PACA. Une autre perturbation arrive en parallèle par la Bretagne. Elle sera accompagnée d'un vent fort avec des rafales jusqu'à 110 km/h. À la mi-journée, elle gagnera le quart nord-ouest du pays. Ailleurs, le temps alternera entre nuages et éclaircies. Il pourrait pleuvoir encore un peu en Provence et en Corse l'après-midi. Les températures ce matin, il fait 7 degrés à Valenciennes et à Bourges, 8 à Guingamp et à Mulhouse, 9 à Tarbes, 10 à Lyon, 12 à Propriano et 13 à Draguignan. Cet après-midi, on attend 12 degrés à Montauban, 13 à Dinan et à Saint-Étienne, 14 à Paris et à Amiens et 15 à Strasbourg. 8h33, j'ai envie de le dire comme un cri du cœur, bonne fête Théodore. Oui. Bonne fête alors. Ben oui, parce que oui. C'est la Saint-Théodore. Mais bonne fête au Théo. Voilà, Théodore. Mais c'est leur surnom, Théo. Je sais pas. Ah, c'est pas bête, tiens, j'ai pas osé. Ah bon ? Allez, l'on t'éclaire la lanterne. Oh, t'es fort avant le winner. Voici les Killers sur RTL 2. Expresso RTL 2, le winner du jour. Alors tu nous as fait un camoulox ah ouais, complet. Incroyable. Ah ouais, c'est un super winner. Franchement, vous allez voir, c'est BFM TV qu'on a parlé, on reprend ce matin. Vraiment, c'est top. Donc tu parlais de Bretagne, Ben Harper, Falafel. Ouais, voilà. C'est une belle histoire racontée par Ben Harper dans le journal Le Mensuel de Rennes, que l'on salue. Il a accordé un entretien pour le numéro de novembre. Et le journal a lancé un appel pour aider à retrouver un camarade de Ben Harper. Alors en fait, il faut savoir déjà que Ben Harper a connu le succès en France grâce au Transmusical de Rennes. Un très beau festival. Francis Aigut également sur RTL 2 a participé au succès grandissant en France de Ben Harper. Mais c'est vrai que les Transmusicales de Rennes et Ben Harper, c'est une histoire de folie. Il s'agissait de son premier concert à l'étranger. C'est important quand même pour un artiste. Bon, ça, c'est pour les faits. Et il faut imaginer que Ben Harper a 23 ans. Il n'est pas connu. Il erre seul dans les rues du centre-ville de Rennes. Et il s'arrête devant l'échoppe d'un vendeur de falafel qui écoutait Like a King, le titre de Ben Harper à ce moment-là. Il faut imaginer quand même que Ben Harper, c'est pas le Ben Harper qu'on connaît aujourd'hui qui a vendu des milliers et des millions de disques. Hein. Le propriétaire adore le chanteur. Qu'est-ce qu'ils font ? Comme Ben Harper, c'est un gars hyper sympa. Il parle anglais, il papote, il mange et il rigole toute la nuit. Sympa. Bon, beau souvenir pour Ben Harper. Et puis il lui a dit j'espère qu'on se reverra. Il se revoit pas, le temps est passé. Mmh. Et ben qu'est-ce que fait Ben Harper? Il lui dit j'espère que par un hasard incroyable il lira ceci. Je voudrais lui dire à quel point cette nuit a compté pour moi. Et donc il lance un appel pour retrouver ce vendeur de falafel qui a donc changé sa perception du succès et de la vie en France. Donc 02 99 79 04 65 ou rennes@lemensuel.com pour aider les deux hommes à se retrouver. J'adore ce genre d'histoire, on va suivre l'affaire. Sur la c'est une belle histoire. Moi aussi j'aimerais bien retrouver le vendeur de burgers de la semaine dernière. Ah il avait oublié mes frites. Donc tu vois ça, c'est pas la même histoire mais quand même. Hein. Ouais, c'est moins romantique, ouais, tu vois ton histoire ambiance. Jonathan, c'est moins romantique. If you were faced with him in all his glory, what would you ask if you had just one question? And yeah, God is great. Yeah, God is good. A gagné 10 000 euros dans le double expresso RTL. On l'a ou pas, Jérém, cet extrait incroyable? Mais toujours. Alors vas-y. 10 000 euros. 10 000 ah ah. On prend. Oh, oui. Oh non. Oh là là, je reconnais. Je voulais faire un très beau cadeau à mon mari, à mon conjoint.

double expresso RTL 2. Everybody stand as one. We don't care where you come from. You'll never be alone. Si tu prends la vie, tu attrapes tes rêves. Relève la tête car ne t'en attends personne. Comme une victoire. Hey, hey, hey. Everybody stand as one. We don't care where you come from. You'll never be alone. Marche droit et être fier. Car on t'en attend personne. Du coup, on fait avec ce qui nous reste. Du culot, de l'enthousiasme et un sourire face au CRS. Une main tendue et c'est tout ton pays qui se réveille. Faut qu'on se bouge pour que nos gamins s'émerveillent. Alors on se rassemble sans savoir si on se ressemble. Comme un seul peuple, un seul homme, le regard fier et les mains qui tremblent. Ces graines qu'on sème pour toute une vie, à toutes ces secondes qu'on apprécie. Hey, hey, hey. Stand as one sur RTL 2. C'est l'heure de la banque RTL 2. Hola Sophie, bonjour Sophie. Bonjour. Salut Sophie. Ça va? Ça va très bien. Bon, mais soyez pas timide, hein. Regardez, vous êtes la dernière candidate de la semaine pour cette banque RTL 2. Il y a de belles choses à faire. Hier, il y a eu 10 000 euros avec Lara. Tout à l'heure, Karl a gagné un séjour au ski. Il a failli gagner les 5 000 euros. Pourquoi pas vous, Sophie? Comment ça va ce matin? Ah, c'est moins bien. Ah, ça va très bien. Vous nous appelez d'où? Avec vous, donc ça va super. Vous nous appelez d'où, Sophie? De Thionville. Bon, très en bien. En Moselle. Vous nous écoutez sur 96.7. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire ce week-end? Racontez-nous ce week-end d'automne. Bon, je pense que ce sera une petite balade avec mon chien, tranquillement. D'accord. Ah, la cool. Voilà. Ouais, puis le repos. Ouais. Vous avez bien raison. Repos, exactement, repos. Alors, vous n'allez pas vous reposer pendant une minute. Ça va être intense. Attention au coffre vide pour gagner des séjours au ski, des smartphones ou du cash. C'est la banque RTL 2. Top chrono, une minute pour jouer. Coffre 1. Une guitare. Je passe. Coffre 2. Un séjour au festival Rock de Piste 2019. C'est avec RTL 2. Alors, c'est du 17 au 23 mars, hébergement 7 nuits, passe Rock the Piste 6 jours, l'accès au concert, le matériel de ski. Super cadeau. Ouais. Avec Gaëtan Roussel, Charlie Winston et Hyphen Hyphen. Oh là là là là là là. Ah ouais, j'ai envie de le prendre en fait. Ah bah ça, je comprends bien. Oui, c'est-à-dire que c'est pas mal, hein. Il reste deux personnes. 27 secondes. Deux personnes ? Je sais pas si c'est pour deux personnes. Je peux pas vous dire. J'ai le séjour. Je peux pas vous dire. Ah, je prends. Allez, allez je prenez-le, prends. On s'arrangera. Ouais, vous prenez ça ? Ouais, je prends. Allez, ouais. Bravo ! Ouais. A priori, on fait rarement partir en concert seul. Donc, oui, je pense. Je vous le dis, pour être tout à fait franc avec vous, sur ma petite fiche descriptive, je ne l'ai pas, ça. Donc, mais en tous les cas, vous gagnez ce séjour au ski à l'occasion du festival Rock the Piste. Je répète, parce que c'est quand même un cadeau dingue. Hébergement cette nuit, donc semaine de ski gagnée. Passe Rock the Piste, 6 jours ski. L'accès au concert pour voir Gaëtan Roussel, Charlie Winston, iPhone. Et le matériel de ski. Waouh! C'est incroyable. Génial. Qu'est-ce qu'il y avait dans le coffre suivant? Un lecteur Blu-ray. Ça va. Pas de regret. Pas de regret. Non, voilà, pas de attends, regret. C'est pas génial. Rockthepiste.com pour le site. Vous êtes quand même du côté des Portes du Soleil avec Avoria, Châtel, bref, des stations magnifiques. Bravo, Sophie, c'est cool, on est content pour vous. Sophie, on vous embrasse. Merci. Et qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL 2 ? À double expresso. L'actualité revue et corrigée par Jonathan O'Donnell dans le double expresso RTL 2. C'est l'heure du top 3 de Jonathan O'Donnell qui sera ce soir et demain à Lille Spotlight. Allez le voir, il reste quelques places. Très belle promo. 19h30. Merci beaucoup, Grégory. Avec plaisir sur Billets Réduc, notamment. Exactement, tous les sites de vente de spectacles. Je suis présent. De toute façon, je récupère de l'argent, en fait, je suis sur Je vois. Petite je 15% commission. Sur ah oui, carrément. C'est légitime. Pas mal. C'est normal. M'a fait. Donc voilà. Cette phrase est extrêmement malaisante. Le top 3. Une info insolite, on part en Russie. Un homme de 63 ans, que sa famille croyait mort et enterré depuis 2 mois, est revenu frapper à leur porte. Oh, l'angoisse. C'est pour de vrai, ça. C'est une vraie info. C'est vrai qu'il y a certains témoins de Jéhovah qui sont plutôt coriaces, en effet. Les mecs ne lâchent rien. Oui, hein, papa. Bah oui, ils sont toujours là. Hein. Ça m'angoisse beaucoup, cette info. Bah, c'est en Russie. Voilà. Une info transport en alternative au diesel. Un carburant au marc de raisin a été testé sur un autocar sur la ligne entre Dax et Mont-de-Marsan. Ah. Et tu vois, Justine, on se moque de toi avec toutes tes bouteilles d'alcool, mais tu pourrais ouvrir une station-service finalement. Hein. Je vais y penser. Il y a quelque chose de faisable. Hein. C'est pas faux. Il y a de l'argent à se faire. Les tic-tac devant la caisse. Une info insolite pour terminer. Les gendarmes de Merville, dans le Nord, menacent de couper tout ce qui dépasse à ceux qui urinent dehors. Oula. Ils prennent pas trop de risques en même temps. Avec le froid qui fait dehors, il n'y a pas grand chose qui dépasse. Hein, mais la menace est là quand même. Ah oui, le zizi piscine. Mais non, merci, Jonathan. Voilà, merci. Toujours plus. Bravo. Merci. Et on rien attendait à voir, que ça. Rien à voir avec l'info, avec le top 3 de Jonathan. C'est Kevin Olivier qui arrive jusqu'à midi. Oh là à là. Tout de suite. Rien à voir, a priori. À l'occasion de la sortie de leur nouvel album Simulation Theory, Muse est à l'honneur sur RTL 2. Tout ce week-end, quand vous entendez un titre de Muse, envoyez par SMS RTL 2 au 74 900 et gagnez peut-être l'intégrale du groupe. Et dimanche à 19h, Stéphanie Renouvin nous raconte la pop rock story de Origin of Symmetry, l'album culte de Muse sur RTL2. 75 centimes plus coût du SMS. Grand Frais. La France est à l'honneur chez Grand Frais. Venez découvrir les meilleurs produits de nos terroirs. Jusqu'au 10 novembre, le sauté de veau est à 13,99€ le kilo seulement. Le meilleur marché, c'est Grand Frais. Vos produits par nos éleveurs de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Magasin participant sur grandfrais.com. Ce vendredi, tirage exceptionnel, Euromillion Malmillion. 5 joueurs en France vont gagner 1 million d'euros chacun. Alors, imaginez. Moi, j'achète un chalet dans les Alpes. Avec vue sur le Mont Saint-Michel. Puis-je pars faire le tour du monde. Dans un jacuzzi géant. FDJ. Offre valable en République française et Monaco. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Cuir Center. Pendant les 15 jours irrésistibles, profitez de la qualité Cuir Center à des prix exceptionnels sur une large sélection de canapés. Par exemple, ce canapé 3 places 100% cuir à 1290€. Un prix très très confortable. Cuir Center. Modèle Lagos. Prix hors livraison jusqu'au 19 novembre. Détails sur cuircenter.com. Pendant le mois géant de chez Géant et jusqu'au dimanche 11 novembre, pour un produit de la nouvelle gamme Harmonie de Pampers acheté, le deuxième est 100% gratuit. Oui, 100% gratuit sur le deuxième produit Pampers au choix parmi les couches et lingettes. Le B.A.B.A. des bonnes affaires pour bébé. Les prix bas, c'est... Géant. Retrouvez la liste des magasins ouverts le dimanche 11 novembre sur géantcasino.fr. RTL2. Mercedes-Benz. Alors, cette annonce Mercedes ? Elle a l'air super. Je l'ai vue 3 fois, pris 200 photos, écouté le moteur, envoyé le carnet d'entretien à mon cousin garagiste et j'ai lu tous les avis sur Internet. Ah ouais, quand même. Eh ben, ça fait 2 mois que j'y suis. Et toi, t'as fait comment ? Moi, je l'ai acheté chez mon distributeur Mercedes. Il y a ceux qui se rassurent et ceux qui sont sûrs. Les véhicules d'occasion du réseau Mercedes-Benz sont entretenus par nos experts et garantis 2 ans. N'attendez pas pour repartir avec la Mercedes de vos rêves. Rendez-vous sur occasion-mercedes.fr. On en parle. Ce sont les jours Google en ce moment chez Darty. Pour comprendre les innovations qui vont faciliter notre quotidien, rendez-vous dans un instant. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron ? Bon, des nouvelles de Lidl ? Ah, et toutes fraîches, hein ? Et il y en a 8. C'est le club des frais. 8 jolies peluches à collectionner. Des fruits et légumes trop mignons, patron. Oui,